Monsieur Poiré était une espèce de mécanique. En l'apercevant, s'étendre comme une ombre grise, le long d'une allée au jardin des plantes, la tête couverte d'une vieille casquette flasque, tenant à peine sa canne à pommeau d'ivoire jaunie dans sa main, laissant flotter les pans flétris de sa redingote, qui cachait mal une culotte presque vide, et des jambes en bas bleus qui flageolaient comme celles d'un homme ivre, montrant son gilet blanc sale et son jabot de grosse mousseline recroquevillée, qui s'unissait imparfaitement à sa cravate cordée autour de son cou de dindon, bien des gens se demandaient si cette ombre chinoise appartenait à la race audacieuse des fils de Japhet qui papillonnent sur le boulevard italien. Quel travail avait pu le ratatiner ainsi? Quelle passion avait bistré sa face bulbeuse qui, dessinée en caricature, aurait paru hors du vrai? Ce qu'il avait été? Mais peut-être avait-il été employé au ministère de la Justice, dans le bureau où les exécuteurs des hautes œuvres envoient leur mémoire de frais, le compte des fournitures, de voiles noires pour les parricides, de sons pour les paniers, de ficelles pour les couteaux. Peut-être avait-il été receveur à la porte d'un abattoir ou sous-inspecteur de salubrité. Enfin, cet homme semblait avoir été l'un des ânes de notre grand moulin social, l'un de ces ratons parisiens qui ne connaissent même pas leur Bertrand, quelques pivots sur lesquels avaient tourné les infortunes ou les saletés publiques. Enfin, l'un de ces hommes dont nous disons, en les voyant, il en faut pourtant comme ça. Le beau Paris ignore ces figures, blêmes de souffrances morales ou physiques. Mais Paris est un véritable océan. Jetez-y la sonde, vous n'en connaîtrez jamais la profondeur. Parcourez-le, décrivez-le, quelques soins que vous mettiez à le parcourir, à le décrire, quelque nombreux et intéressés que soient les explorateurs de cette mer, il s'y rencontrera toujours un lieu vierge, un antre inconnu, des fleurs, des perles, des monstres, quelque chose d'inouï, oublié par les plongeurs littéraires. La maison Wauquiez est une de ces monstruosités curieuses.